Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire du cholestérol, un ennemi public qui fait la polémique. Une ligne dans les résultats d'analyse sanguine, anxiogène, le taux de cholestérol. Trop haut, il vous condamne à une vie monacale, privée des plaisirs de la bonne chair, des délices du gras et des plats riches en beurre. Le cholestérol serait responsable de la maladie la plus répandue dans les pays développés depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l'athérosclérose ou l'occlusion des artères qui provoque de graves troubles cardiovasculaires. Fustigé depuis les années 50 aux États-Unis, le cholestérol continue à inquiéter et à être rigoureusement mesuré. Pourtant, dès les premières heures de la cholestérolophobie, des voix s'élevaient et s'élèvent toujours pour en relativiser l'importance. Autrement dit, et si en réalité, le cholestérol n'avait pas de lien direct, évident, avéré avec le risque d'infarctus? Et si les statines qu'on donne pour lutter contre un taux trop élevé étaient inefficaces, utiles et même dangereuses? Bref, à qui profite le crime? Retour sur l'un des débats les plus anciens de l'histoire de la médecine. Notre invité aujourd'hui, le docteur Dominique Dupagne, médecin généraliste. Il gère le site médical atout.org qu'il a créé en 2000. Il est par ailleurs chroniqueur dans l'émission scientifique de France Inter, La tête au carré. Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzo qui est allé voir une patiente tombée malade après avoir pris des statines pendant une bonne dizaine d'années. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Est-ce que vous avez peur d'avoir du cholestérol, personnellement ? C'est-à-dire que je crois que tout Français, tout de même, doit de temps en temps passer un examen de laboratoire pour savoir s'il en a. Oh ben ça, je crois que j'en ai. Je n'en ai plus peur depuis que j'ai vu sur les journaux récemment que le cholestérol était une invention des directeurs de laboratoire, n'est-ce pas, il y a quelques années, pour augmenter l'ombre de leurs analyses. Est-ce que le fait d'avoir du cholestérol est grave ? Mais oui, à un certain point de vue, monsieur, parce que ça peut vous amener des troubles vasculaires et nuire grandement. Enfin, ça peut vous mener même à la mort. Ah, mais c'est très grave, oui, parce que je ne sais pas au juste ce que c'est, mais je sais que c'est grave. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir du cholestérol ? Il faut d'abord avoir une vie très calme, une vie de philosophe, chose qui est très difficile à Paris. Je n'en sais rien et je crois que personne ne le sait, même pas les médecins. Qui n'a jamais entendu parler du cholestérol ? Nous avons tous autour de nous une personne qui préfère décliner une invitation au restaurant parce que son taux est trop élevé, par exemple. Le mot cholestérol fait partie de ces termes médicaux que nous avons intégrés naturellement dans notre vocabulaire sans toujours chercher à comprendre comment il fonctionne et quel est son rôle dans le corps humain. Petit résumé de la situation. Le cholestérol est un lipide, donc une molécule de gras qui est produite par l'organisme. Il a plusieurs rôles. Il peut servir à fabriquer les hormones sexuelles, par exemple, ce qui prouve au passage son utilité sociale. Il assure aussi le bon fonctionnement du cerveau qui produit son propre cholestérol. Dans le corps, c'est le foie qui en produit, puis qui le transmet aux divers organes qui en ont besoin. Le système sanguin, lui, fait le coursier. Or, depuis près de 70 ans, le cholestérol est couramment présenté comme le responsable des maladies cardiovasculaires qui touchent massivement les pays industrialisés. Selon l'OMS, elles sont responsables de 30% des décès dans le monde. En France, c'est la deuxième cause de mortalité après le cancer. Ces maladies sont les conséquences de l'athérosclérose, les artères qui se bouchent à cause d'un dépôt de cholestérol et de calcaire. En se décrochant, ces plaques provoquent des caillots et causent alors des AVC ou des infarctus. À partir des années 50, aux États-Unis, plusieurs médecins ont avancé l'hypothèse d'un lien entre taux de cholestérol et décès par maladie cardiovasculaire. La logique est la suivante. Si votre taux est élevé, alors votre risque de décès est plus grand. Pour réduire les risques d'infarctus, il faut donc faire baisser ce taux. C'est simple comme bonjour et surtout comme adieu aux bonnes choses. Veau, vaches, cochons, beurre, œufs, mayonnaise, barbecue et apéro entre amis, on oublie. Place au régime pauvre, en graisse animale, mais riche en céleri et crudités, activités sportives régulières et médicaments anti-cholestérol, tout pour plaire. Mais en opposition à la naissance de cette théorie, d'autres voix se sont élevées pour nuancer ce risque et mettre au jour les lacunes des études qui ont mené à cette conclusion. Alors, si le cholestérol n'était pas le grand méchant loup que l'on croit? Pour comprendre le débat, petit voyage dans le temps et dans l'espace, direction les États-Unis en 1955. L'Amérique s'est brusquement tournée vers l'hôpital militaire de Denver où le président Eisenhower, frappé d'une crise cardiaque, a été transporté. D'heure en heure, les journalistes ont informé 120 millions d'Américains de l'évolution de la maladie. On avait même installé dans les couloirs des couchettes pour faciliter leur tâche. Tandis que les plus grands spécialistes du cœur arrivaient à Denver, le monde entier partageait l'émotion du peuple américain, car la personnalité du président fut pour beaucoup dans le développement d'un climat de détente internationale. Les États-Unis sont sous le choc. Le président a été atteint d'une crise cardiaque. Le pays est inquiet car une véritable épidémie d'infarctus s'est répandue en Amérique du Nord. Une épidémie que les spécialistes peinent à expliquer. Alors, quand c'est le président en personne qui est atteint, tous les regards se tournent vers la Maison-Blanche, d'où viendront peut-être des solutions à ce fléau. L'un des médecins qui se déplace au chevet du président Eisenhower se nomme Ansel Keys. Il est spécialisé dans les maladies cardiovasculaires et soutient une théorie selon laquelle le cholestérol que l'on ingère en mangeant des produits riches en graisses saturées, comme les graisses d'origine animale, serait le responsable de l'infarctus chez l'homme. Il conseille alors au président de commencer un régime sans graisse. On l'appelle le régime du cœur. Le président est par ailleurs un fumeur invétéré, mais Ansel Keys n'y voit aucun problème. Il faut dire aussi qu'il était plus simple à l'époque d'accuser le gras plutôt que le tabac, distribué par un lobby puissant et consommé en grande quantité par les hommes politiques du monde entier. Ansel Keys tient son hypothèse de l'observation de la maladie de Xanthome. Cette pathologie provoque des boules de graisse sur la peau. Par biopsie, on s'aperçoit qu'elles sont pleines de cholestérol. L'idée d'Ansel Keys est donc que ces boules de graisse pourraient se former aussi dans les artères et provoquer des caillots et donc des maladies cardiovasculaires. Pour étayer sa thèse, Keys procède à une étude statistique. Il sélectionne plusieurs pays dans le monde et compare la consommation de graisse saturée et le taux d'infarctus pour établir une corrélation. Son hypothèse séduit de nombreux chercheurs à travers le pays et à travers le monde. Elle a le mérite d'être limpide et intuitive. Et à partir des années 50, la théorie du cholestérol s'installe dans la communauté scientifique. Le problème, c'est que les statistiques que Keys a choisies sont biaisées et que sa conclusion peut être aisément contredite en choisissant d'autres pays comme la France et la Finlande qui, pour un même taux de cholestérol, ont un risque d'infarctus qui passe de 1 à 7. Ces lacunes ne passent pas inaperçues. Et dès ses premières heures, la théorie du cholestérol laisse sceptique, à l'image de ce médecin reçu à l'ERTF en 1960. Nous essayons à l'heure actuelle de distinguer par des examens de laboratoire les augmentations du cholestérol sanguin qui sont graves de celles qui ne le sont pas. Il nous paraît à l'heure actuelle qu'il ne suffit pas de faire seulement le dosage du cholestérol et dans les laboratoires de recherche, le sang des sujets qui ont trop de cholestérol sont soumis à de nombreuses autres investigations. On peut dire aujourd'hui qu'il est difficile de fixer le taux normal du cholestérol, parce que ce dernier varie avec l'âge, il varie avec les populations, il varie avec le sexe, il varie avec la façon dont les sujets s'alimentent, et il y a tant de variables qu'il est presque difficile, presque impossible, de le fixer d'une façon très précise. Aussi, nous essayons de distinguer les hypercholestérolémies bénignes, elles existent certainement, des hypercholestérolémies graves qui nécessitent au contraire des précautions thérapeutiques attentives. Au début des années 50, une étude vient renforcer la crédibilité de la théorie du cholestérol dans la communauté médicale. Une équipe de chercheurs américains décide de mener des travaux d'une ampleur inédite à l'échelle d'une ville entière. Pour analyser les faits et gestes des habitants, ils choisissent la localité de Framingham, dont la population migre peu. Les chercheurs analysent toutes leurs habitudes alimentaires, leur consommation de tabac, d'alcool, la pratique ou non d'exercice physique, et ce, toute leur vie durant. Ces résultats sont ensuite comparés avec le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire. L'étude est intéressante car elle présente un panel important, plusieurs milliers de personnes tout de même, et pourrait mettre en évidence des phénomènes épidémiologiques généralisables à l'ensemble de la population mondiale. Bref, des circonstances idéales pour tester la théorie lipidique. Mais les résultats s'avèrent décevants. Si le tabac est démontré comme étant un facteur de risque extrêmement important pour les maladies cardiovasculaires, le lien avec le cholestérol semble ténu, voire inexistant. En effet, les chercheurs s'aperçoivent qu'il n'y a pas de schéma systématique. Certaines personnes meurent à cause d'un infarctus alors que le taux de cholestérol était très bas et d'autres au cholestérol élevé vivaient jusqu'à un âge élevé, lui aussi. De plus, on peine à établir un taux de cholestérol normal tant les différences sont importantes en fonction de l'âge, du sexe et de la génétique des habitants. Pour l'équipe qui pilote cette recherche, ces résultats sont gênants. Ils viennent compliquer leur hypothèse. Mais, par chance, au même moment, une nouvelle méthode de séparation des molécules de cholestérol par centrifugeuse leur permet de faire une nouvelle découverte qui permettra de détourner l'attention des résultats. Le cholestérol se sépare alors en deux types de molécules, le HDL et le LDL. Ainsi naît le bon et le mauvais cholestérol, que nous explique ici le docteur Marion Apfelbaum de l'hôpital Bichat. Lorsqu'on mange beaucoup gras, comme nous le faisons, le système de nettoyage, la voirie des vaisseaux, devient très très importante. Nous avons, de ce point de vue-là, une très grosse inégalité entre nous, nous sommes des mangeurs inégaux, et ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir un système de transport de retour très efficace, peuvent manger plus que d'autres, peuvent avoir plus de cholestérol qui se dépose sur leur vaisseau, puisqu'ils ont la chance de pouvoir s'en débarrasser dans l'autre sens. La recherche dans ce domaine est de la plus haute importance, car c'est elle seule qui permettra de savoir avec exactitude qui d'entre nous a le droit à manger du pain avec du beurre et qui doit le manger sec. En appliquant la théorie du bon et du mauvais cholestérol au résultat de l'étude de Framingham, les chercheurs mettent au point un indice de risque cardiovasculaire encore utilisé aujourd'hui. La découverte du bon et du mauvais vient appuyer la thèse d'Ansel Keys et même la compléter. Le mauvais cholestérol, qui porte le nom de LDL, devient alors le nouvel ennemi qu'il faut faire baisser à tout prix. Ansel Keys décide donc, en 1958, de mener une nouvelle étude qui aura pour but de confirmer définitivement son hypothèse. Il choisit 7 pays. La Grèce, la Finlande, les Pays-Bas, la Yougoslavie, le Japon, les États-Unis et l'Italie. 7 pays aux habitudes alimentaires et au taux d'infarctus très variés. En tout, ce sont 15 000 hommes âgés de 40 à 59 ans dont les habitudes alimentaires et sportives ont été analysées tout au long de leur vie. Et encore une fois, les résultats ne mettent pas en évidence le lien systématique entre cholestérol élevé et mort par infarctus. Ansel Keys, lui-même, écrit que le tabac, l'hypertension artérielle et le diabète sont bien plus dangereux pour le cœur que le cholestérol en lui-même. Malgré ces résultats plus que mitigés, l'étude des 7 pays devient progressivement la référence en cardiologie et installe pour de bon le cholestérol sur le banc des accusés. Mais comment alors des études aux résultats si fragiles ont-elles pu convaincre toute la communauté scientifique? Eh bien, c'est parce qu'au même moment, d'autres acteurs ont senti qu'un juteux filon se dégageait de la théorie du cholestérol, les industries pharmaceutiques. Dès les années 50, ces laboratoires commencent à développer de nouveaux médicaments porteurs de nouveaux espoirs pour les médecins, comme l'explique ce cardiologue pour France 2, et nous sommes en 1964. Je pense qu'avec ce nouveau médicament, nous pouvons normaliser 80-85% des hypercholestérolémies. Donc, d'une part, améliorer les chiffres des lipides sanguins, certainement faire disparaître les symptômes mauvais, aider à d'autres médicaments éventuellement, que peut avoir le cardiaque, et enfin, peut-être, avec un grand point d'interrogation, peut-être faire régresser, sinon disparaître, les lésions anatomiques qui sont dans les artères, c'est-à-dire les plaques d'athérome, les plaques de graisse. À ce moment-là, bien entendu, on prévient l'un des grands facteurs de risque de l'infarctus du myocarde, l'hyperlipidémie, et on peut espérer faire de la prévention efficace. Le régime du cœur, comme toute nouvelle découverte en matière médicale, entraîne de nouveaux intérêts financiers. Aux États-Unis et en Europe, les industries pharmaceutiques s'aperçoivent rapidement du nouveau marché qui s'ouvre à elles. Le premier médicament chargé de faire baisser le cholestérol fait donc son apparition. En France, c'est en 1954. Jean Côté, un chercheur français, s'aperçoit qu'un pesticide utilisé en Auvergne avait pour particularité de faire baisser le taux des paysans qui l'inhalaient. Taux de cholestérol, bien sûr. Jean Côté décide donc de montrer sa découverte à la société anglaise ITI. Celle-ci développe rapidement un dérivé de ce pesticide, le clofibrate. Avec le médecin anglais Michael Oliver, il teste leur produit et démontre son efficacité pour faire baisser le cholestérol. Mais rien ne prouve pour le moment qu'il fait bien baisser aussi le risque d'infarctus. Alors, 10 ans plus tard, ils organisent un immense essai clinique et testent le clofibrate sur 15 000 hommes européens. Les résultats sont désastreux. Le médicament ne fait pas baisser le risque d'infarctus. Pire, il l'augmenterait, tout comme le risque de cancer et de calcul de la vésicule biliaire. Malgré cet échec cuisant, l'industrie pharmaceutique continue à développer cette catégorie de médicaments et les fibrates deviennent la nouvelle star dans la lutte contre le cholestérol. Le Lipentil, produit par le laboratoire français Fournier, devient rapidement leader sur le marché en utilisant une stratégie détournée. Oui, au lieu de vendre son médicament en insistant sur son efficacité pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le laboratoire n'indique que son pouvoir sur le cholestérol. Bon, de toute façon, tout le monde est déjà persuadé du lien entre les deux. Mais c'est un coup de génie, et le médicament se vend comme des petits pains. Dans la communauté scientifique, les sceptiques sont encore nombreux. Michael Oliver lui-même, le médecin qui a développé le clofibrate, le dit. L'hypothèse lipidique à laquelle tout le monde croyait n'est pas validée. Il faut arrêter de terroriser les gens avec leur cholestérol. Oui, mais les financiers qui injectent l'argent dans la recherche n'ont pas l'intention d'abandonner un marché aussi prometteur et ils continuent à investir dans cette voie. Et les chercheurs qui décident de travailler sur d'autres hypothèses sont évincés. L'investissement paie et dans les années 80 apparaissent de nouveaux médicaments qui vont faire grand bruit, les statines. Chez les patients coronariens, c'est-à-dire les gens qui ont fait un infarctus ou qui ont de l'angine de poitrine, les statines non seulement diminuent le risque de refaire un accident, mais diminuent tout simplement le risque de mortalité, ou éloignent plus exactement le risque de mourir, augmentent l'espérance de vie de ces patients de façon tout à fait significative. Les statines sont parmi les médicaments les plus prescrits au monde. En France, elles coûtent 1,5 milliard d'euros à l'assurance maladie, 4 millions de personnes en consommeraient. Selon les pouvoirs publics, leur efficacité compenserait leurs nombreux effets indésirables. Découvertes en 1976 par un chercheur japonais du nom d'Akira Endo, les statines sont une nouvelle catégorie de médicaments chargés de faire baisser le cholestérol. Rapidement, les essais cliniques mis en place démontrent une efficacité inégalée dans le traitement des maladies cardiovasculaires et les statines s'imposent dès le début des années 90 comme leader sur ce marché. En 1994 et 1995, les conclusions de deux grands essais cliniques sont publiées et présentent des résultats jusqu'alors inégalés. Les statines permettraient de faire baisser la mortalité cardiovasculaire de 30%. Progressivement, le scepticisme de la communauté scientifique s'effondre et le marché des statines explose. Dans le monde, le chiffre d'affaires de ce médicament représente 40 milliards de dollars et ce sont plus de 200 millions de patients qui se voient prescrire des statines. Parallèlement, l'industrie agroalimentaire, elle aussi, s'empare du marché que représente le cholestérol. dans les rayons des supermarchés, se multiplient des produits censés faire baisser le mauvais et progresser le bon. Margarine aux oméga 3, huiles spéciales et alicaments en tout genre progressent et s'imposent dans un marché juteux, là encore. Au début des années 2000, cette industrie parvient, en quelques années seulement, à occuper le tiers du marché des matières grasses végétales. Le cholestérol business vit son âge d'or, mais pour combien de temps ? Renaud de Langlade, l'un des champions français de l'électronique de pointe à la tête de plusieurs entreprises, avait lui aussi un cholestérol élevé. Alors pendant 10 ans, il a pris des statines. 10 années de calvaire où se sont accumulées douleurs physiques, échecs professionnels et crises familiales. Aujourd'hui, il a renoué avec le succès et retrouvé la forme. Les statines, il ne les voit plus que comme un mauvais souvenir. J'ai senti essentiellement une fatigue. On rentre le soir, on n'a plus envie de rien. Quand je dis de rien, c'est de rien. Ça cause des problèmes. On arrive au bureau, on n'a pas la pêche. On est un client, on ne réagit pas. Du moment où j'ai arrêté les statines, alors que je n'avais pas encore repris le sport, je me sentais mais 10 fois mieux. 10 fois mieux. C'est en 2001 que l'étoile des statines commence à pâlir. De plus en plus de patients se plaignent d'effets secondaires sérieux, tels que des douleurs musculaires handicapantes ou des pertes de mémoire. Au même moment, une étude américaine accuse un autre médicament, un anti-inflammatoire du nom de Vioxx, d'être responsable de graves maladies telles que les crises cardiaques. Le médicament, distribué par le laboratoire Merck, est retiré du marché. Donc, le grand public est choqué, forcément, et surtout, la confiance envers les laboratoires est sérieusement entamée. La polémique autour des statines, elle, enfle, et toujours en 2001, une première plainte française est déposée contre le laboratoire Bayer. Il est le premier Français à porter plainte contre le groupe Bayer. Jean-Luc Préel, 53 ans, estime que les douleurs musculaires dont il souffre depuis plusieurs mois sont directement liées à la prise de Colstat. Le Colstat, c'est l'un de ces anticholestérol que le laboratoire a retiré du marché mondial la semaine dernière. Entre les effets indésirables et les conséquences graves, quand on apprend comme cela a été mon cas, qu'un tel médicament est susceptible d'entraîner, de provoquer une maladie irréversible ayant des conséquences graves. 52 décès dans le monde ont été causés par ces anticholestérol. Jean-Luc Fréhel rejoint la longue liste des plaignants qui se regroupent contre Bayer aux États-Unis et en Allemagne. Une fièvre juridique qui, selon le groupe, n'a aucun fondement. La bataille devant les tribunaux va être longue. Les médecins commencent progressivement à changer leur discours autour des statines. Mais le mal est peut-être déjà fait. Et si on avait prescrit des statines à des patients qui n'en avaient pas besoin? La polémique enfle. En 2013, le British Medical Journal publie deux nouvelles études contestant l'efficacité des statines et accusant leur potentielle dangerosité. Les résultats ont un effet retentissant et près de 200 000 patients anglais décident d'arrêter leur traitement. La donne a changé, les statines n'ont plus la cote. Au même moment, une étude française menée par le docteur Michel de Lorgeril à partir de 1999 vient apporter de l'eau au moulin des sceptiques de la théorie du cholestérol. Le médecin français s'est penché sur les résultats de l'étude des 7 pays du docteur Keyes pour essayer de comprendre les causes des maladies cardiovasculaires. Mais au lieu de suivre la logique du médecin américain et de sonder les habitudes des pays où les taux de décès par infarctus étaient élevés, il choisit de faire l'inverse. Son attention se porte donc sur les pays où ce taux de mortalité cardiaque est le plus bas. Dans l'étude de Keyes, deux pays se distinguent par le taux d'infarctus particulièrement bas, la Grèce et l'Italie. Michel de Lorgeril s'aperçoit alors que le régime alimentaire de ces pays ne correspond pas du tout aux recommandations du régime anticholestérol. Jusqu'ici, on pensait que les graisses animales représentaient la source principale de danger, qu'elles étaient donc à proscrire, en particulier les graisses apportées par la charcuterie et le fromage. Or, Italiens et Grecs raffolent de jambon de pays et de fromage de brebis, tout comme de l'huile d'olive. Et là encore, c'est une surprise, l'huile d'olive faisait partie de la liste des aliments dangereux. Michel de Lorgeril vient de mettre en évidence le régime méditerranéen, plébiscité ici par France 2. J'achète régulièrement des légumes frais au marché et je rajoute aussi 3 fois par jour des fruits. J'ai rajouté aussi les céréales le matin, petit déjeuner, et du poisson au moins 5 fois par semaine. Ce régime a la réputation d'être le meilleur du monde pour la santé. Si on l'a prescrit à Béatrice, c'est parce qu'elle a un taux de cholestérol trop élevé, autrement dit un risque plus grand de maladies cardiovasculaires. Michel de Lorgeril et son équipe décident de tester ce régime auprès de patients des hôpitaux de Lyon qui ont subi une attaque cardiaque. Les résultats de leur expérience se font rapidement sentir. Le régime méditerranéen permettrait de faire baisser le taux de récidive d'infarctus de 50%, et c'est presque le double de l'efficacité des statines. Et c'est ainsi que dans les années 2000, le régime méditerranéen s'installe comme une référence diététique. Pour autant, la théorie du cholestérol persiste, mais elle n'est pas au bout de ses peines. En 2012, c'est le bon et le mauvais cholestérol qui se sont à leur tour critiqués. Dans son ouvrage intitulé « La vérité sur le cholestérol », comme si on pouvait la trouver, le professeur Philippe Evin réfute l'existence d'un mauvais cholestérol. Pour ce médecin français, tous les types de cholestérol seraient bénéfiques et même nécessaires au bon fonctionnement du corps. Un taux élevé ne serait en fait que le signe d'un dérèglement physiologique et non pas la cause directe des maladies cardiovasculaires. Chacune des deux molécules, le HDL et le LDL, auraient un rôle essentiel et il serait absurde de vouloir diaboliser l'une ou l'autre. Le livre fait polémique, mais Philippe Evin est loin d'être isolé. 10 ans plus tôt, les médecins sceptiques de la théorie du cholestérol se sont rassemblés en association. Au même moment que le professeur Evin, ils publient un article dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet, dans lequel ils affirment que la plupart des études accusant le cholestérol menées depuis les années 50 ont été falsifiées. À leur tour, ces chercheurs réfutent le lien entre un taux de cholestérol élevé et risque cardiovasculaire. Pour eux, il serait donc inutile de le faire baisser, que ce soit par l'intermédiaire d'un médicament comme les statines ou par la consommation de produits alimentaires spécifiques. Et ce sont justement ces produits alimentaires enrichis en acides gras, dits trans, qui vont bientôt eux aussi faire la une des médias, comme ici sur France 2. Ils sont dans les gâteaux, les viennoiseries, les plats cuisinés ou les margarines. Les acides gras trans, ce sont les huiles et les graisses végétales hydrogénées, un processus industriel pour les solidifier. Résultat, les biscuits restent moelleux plus longtemps. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur présence. Faire attention parce que ces graisses végétales hydrogénées altèrent le système cardiovasculaire. Elles font grimper le mauvais cholestérol et baisser le bon. Pourtant, comme le rappelle l'Agence de l'alimentation, elles n'obéissent à aucune législation. Résumons. Pour produire ces nouveaux aliments, l'industrie développe donc de nouvelles techniques. Les matières grasses végétales sont naturellement à l'état liquide. Pour les solidifier, on utilise un nouveau procédé, l'hydrogénation. Mais ce procédé change la structure des molécules de gras qui deviennent alors plus difficiles à assimiler par l'organisme. En France, en 2014, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation publie un avis concernant ces produits mettant en avant leur inefficacité à faire baisser les maladies cardiovasculaires, mais aussi leur potentielle dangerosité. Problème. Pour près de 30% des consommateurs, ces effets bienfaiteurs sont inexistants. Quant à la protection contre les maladies cardiovasculaires, elle n'est pas prouvée non plus. Enfin, et plus grave, ces produits auraient comme effet de faire baisser le taux de bêta-carotène et donc, paradoxalement, de faire augmenter le risque d'infarctus. Mais les entreprises qui les fabriquent n'hésitent pas à mettre en avant les qualités thérapeutiques de leurs produits pour les vendre, bien sûr. De la publicité mensongère pour l'association UFC Que Choisir. En 2006 déjà, l'association de consommateurs avait porté plainte contre Danone pour une opération marketing qu'elle avait jugée malhonnête. Il s'agit très clairement pour un industriel de l'agroalimentaire de vendre un produit qui n'a pas toutes les contraintes d'un médicament et qui se pare un peu des vertus d'un médicament. Et d'un autre côté, dans le cadre d'une concurrence effrénée entre les mutuelles, d'essayer d'attirer des clients. UFC Que Choisir craint une dérive. Qu'un manque d'information fasse croire que la simple consommation de ce produit, sans régime adapté, fasse baisser le taux de cholestérol. Malgré ces attaques, le marché de l'aliment anti-cholestérol continue de bien se porter dans l'Hexagone. Tout comme celui des statines d'ailleurs, que consomment plus de 5 millions de patients en France. Mais la théorie du cholestérol fait de moins en moins d'adeptes parmi les médecins. La fragilité des études faisant un lien avec les maladies cardiovasculaires les pousse toujours plus à changer leur discours. Reste donc à travailler sur les causes des maladies cardiovasculaires. Comment les traiter également? Pour certains médecins, le meilleur moyen consiste encore à observer le comportement des patients et à les aider à modifier certaines habitudes. Exit, le tabac et l'inactivité, idem pour le sucre raffiné et autres produits présumés coupables. On s'y perd un peu tout de même, non? Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs. Les diplomates, les boxeurs. Délaisse les patates pour se fouiller garbate. La tomate en salade, tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la. En reçu ce soir-là, des tas. Sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. commençons par ces mots. Supprimons la bomba, supprimons la la la, et remplaçons-la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. À la tombe qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez. Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé. Mange des tomates, mon amour. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la polémique autour du cholestérol. Notre invité, le docteur Dupagne, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes médecin généraliste, journaliste scientifique, chroniqueur dans l'émission La tête au carré de notre ami Mathieu Vidard et animateur du blog à tout.org. Vous êtes, est-ce que vous considérez comme un lanceur d'alerte? Pas du tout. Bon, bah vous auriez pu? Pas du tout, je suis un journaliste scientifique et un blogueur scientifique, mais je suis pas lanceur d'alerte. Bon, en tout cas vous êtes médecin. Alors, j'ai dit tout à l'heure, bon, on s'y perd un peu, parce que dans le domaine médical, et pas seulement d'ailleurs dans le cholestérol, c'est très compliqué pour les gens. Oh, parce qu'on nous dit, mais surtout on nous dit tout et son contraire. Absolument. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est super compliqué. C'est super compliqué. Parce qu'on alterne des hypothèses séduisantes qui ne sont pas validées lorsqu'on veut les valider, et en plus avec des chevauchements dans le temps et des intérêts économiques considérables. Donc ça vous fait un bazar pas possible. Parce qu'au départ, l'hypothèse de dire les Américains mangent plus gras, ils font plus d'infarctus, on trouve du gras dans les artères bouchées, donc le gras c'est le responsable, franchement j'y aurais cru. Moi c'était quand même extrêmement séduisant. C'est logique si vous voulez. Et donc on est parti là-dessus. Et il y a cette fameuse étude de Framingham donc, que vous avez citée sur la durée où on surveille pendant 30 ans les gens pour voir ce qui se passe. C'est elle qui vous a mis la puce à l'oreille? Non, enfin oui, parce que ça c'est pas sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a eu le résultat de cette étude, on était déjà parti, le train était lancé. On était dans le business, il y avait des aliments pauvres en cholestérol, il y avait de la recherche scientifique. Donc si vous voulez, quand vous êtes parti, que vous avez des dizaines de milliards de dollars en jeu, et que d'un seul coup vous dites, en fait non, vous savez, le truc qu'on avait dit au départ, c'est pas ça. Évidemment, ça jette un froid, comme vous l'avez dit. Et donc, il y a eu une espèce de sidération. Et on a considéré, enfin, les gens qui s'occupaient de ça ont considéré que la fuite en avant était la meilleure solution. Bon, alors, si j'ai bien compris ce que j'ai raconté, n'allez pas me démentir parce que ce serait terrible. En fait, on a confondu l'unité de mesure, le thermomètre, et c'est exactement ce que vous mesurez. Mais la comparaison est la même. C'est-à-dire qu'on a cru que c'est la fièvre qui rendait malade. Ouais. Et en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Et donc, deuxième. Enfin, donc on commence, comme vous l'avez dit, on fait des régimes pour faire baisser le cholestérol, des médicaments pour faire baisser le cholestérol. C'est la cata, ça ne marche pas. Et c'est normal que ça ne marche pas, parce qu'on n'aurait même pas dû essayer, puisque le cholestérol n'est pas un facteur de risque. Vous n'allez pas combattre un truc qui n'est pas responsable de la maladie. Donc normalement, quand on a le résultat de l'étude de Framingham qui dit aucune corrélation entre le taux de cholestérol et le risque d'infarctus, même en tenant compte du bon et du mauvais, en fait, ce qu'on avait montré, c'est que éventuellement manquer de bon cholestérol pouvait être pas bon. Et du coup, on a dit, du coup, avoir trop de mauvais. Mais c'est une preuve indirecte. Moi, j'ai beaucoup plus de renseignements sur le risque cardiovasculaire en regardant la tête de mon patient qu'en dosant son cholestérol, si vous voulez. Le type qui est un petit peu gras du bide, qui est un petit peu chauve, c'est beaucoup plus parlant pour son risque cardiovasculaire que son taux de cholestérol. Et je vous parle même pas du fait qu'il ait une cigarette au bec, quoi. Et donc, on était face à une erreur de départ. Et on va voir comment est-ce que cette erreur a pu perdurer. Parce qu'il y a un autre événement qui est l'arrivée des statines dont vous parlez, qui est venu mettre un bazar total dans l'histoire. Alors, on va y revenir, mais d'abord, question toute simple, qui va renvoyer à la curiosité, parfois toute simple et légitime des auditeurs. Vous êtes mon médecin, par exemple, je fais des analyses biologiques, j'ai un taux de cholestérol qui est haut par rapport aux critères qu'on me donne, c'est sur la feuille, donc il faut aller moins ça. C'est énorme, comme on dit. Bon, voilà, énorme. Et là, vous me dites quoi? Vous me dites, ça va, monsieur, pas de problème? Je dis que cette donnée ne me permet pas de tirer une quelconque conclusion, voilà. Mais c'est pas plus un facteur à risque qu'un autre. Mais pas plus que la longueur de votre avant-bras ou la couleur de vos yeux, quoi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien pour estimer le risque cardiovasculaire. À rien. Encore une fois, nous parlons du cholestérol de monsieur et madame tout le monde, et on l'a pas dit dans le reportage, et pas des maladies génétiques familiales avec des gens qui sont à des taux de cholestérol monstrueux et où on fait un infarctus à 40 ans. Donc, on est dans un cas banal, simple, de monsieur et madame tout le monde qui dose son cholestérol. Bon. Alors, et cette histoire de bon et de mauvais cholestérol, ça c'est pareil, ça tient plus, cette histoire-là? Alors, comme on était très embêtés, si vous voulez, on a essayé de trouver des des explications. Donc, on a coupé le cholestérol en morceaux. Bon, en fait, on a identifié quelques morceaux, parce que c'est bien plus compliqué que du bon et du mauvais. Hein. Mmh. Il y a du bon, il y a du lourd, du très lourd, du moyennement lourd. Tout ça est attaché à des protéines. On est dans une espèce de nébuleuse. On regarde ça avec un petit bout de lorgnette. On connaît à peu près ça, comme les médecins de Molière connaissaient les bactéries, si vous voulez. C'est, ouais. On a une vision complètement primitive de tout ça, on ne comprend rien. Et là, il y a une étude récente qui a été faite dans les pays nordiques pour déterminer les facteurs de mortalité à 10 ans. On avait des données, on voulait voir qu'est-ce qui favorisait la mortalité à 10 ans. Le seul truc qui semblait lié au cholestérol, qui semblait prédire la mortalité, c'était la taille des particules de VLDL, c'est-à-dire encore un cholestérol différent qu'on ne dose pas. Donc c'est même pas le taux, hein, c'est la taille des particules. La taille. Donc un jour, on trouvera sans doute quel est le facteur, mais en tout cas, ce qu'on sait doser actuellement, ça ne sert à rien. Bon, et le cholestérol sert-il à quelque chose dans notre organisme ? C'est une brique de la vie fondamentale. Alors expliquez-nous de façon simple. C'est la, c'est la graisse de base qui sert à faire les membranes cellulaires, qui sert à faire des neurones, qui sert à faire des hormones, qui sert à tout. Enfin, sans cholestérol, vous mourrez instantanément. C'est encore plus important à la limite que l'albumine, que le sucre. C'est un constituant fondamental de l'organisme. Encore une fois, sachant que le cholestérol ne veut rien dire, c'est une famille de graisses mélangées à d'autres. Donc si quelqu'un te dit, vous dites un jour, j'ai du cholestérol, il faut lui répondre, bah heureusement. Exactement. Bon. Alors, on a trouvé les fibrates d'abord. On viendra aux statines après, ouais. Et après avoir écouté un reportage. On va venir aux fibrates, donc c'est la première molécule. Bon, il y en a eu d'autres avant, mais qui étaient imbouffables, c'était pas possible. Quoi. Bon. C'était même pas en rêve. Alors, bon, je passe sur les régimes qui marchaient pas. On a fait avant des régimes pour faire baisser le cholestérol avec zéro effet. Donc c'est double peine. C'est-à-dire qu'on se prive des bonnes choses, et en plus ça sert à rien. Ça marche pas. Donc après on se dit, charmant, c'est parce qu'on l'a pas fait baisser assez. Donc on va prendre des médicaments qui le font baisser encore plus. Et bien, ce pesticide, ce truc, cette histoire extraordinaire. On commence par les fibrates. Fibrate. Grande étude avec le clofibrate, le premier, le lipavlon, le désastre. C'est-à-dire que c'est pire que le placebo. Donc, coup de froid. Et comme vous l'expliquez après, d'autres laboratoires disent « bon, on ne va pas faire d'études, c'est trop dangereux » et deviennent leader du marché avec un produit qui fait juste baisser le cholestérol. Donc on est en plein délire quand même là. Mais on verra qu'il y a tellement d'intérêts économiques en jeu qu'on peut comprendre ça. Et après, on va arriver à ces fameuses statines. Et là, je vous coupe. Là, il y a un choc. Il y a un choc. Je vous coupe parce qu'on va en parler, évidemment, après avoir écouté le reportage d'Annel Verzo qui est là, que je vous présente. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Annel. Vous êtes allé à Chantilly, donc dans l'Oise, rencontrer une femme qui a subi des effets secondaires graves après avoir pris des statines, justement. C'est Dominique Monrognon. Elle a pris du Staltor, ce médicament qui contient des statines, donc, pendant des années. Et depuis, elle souffre de douleurs qui l'empêchent de marcher. Alors Dominique vit dans un joli appartement à Chantilly avec Henri, son mari. Et on y va. Nous voilà à Chantilly. On arrive à la porte de Madame Dominique Monrognon. Appartement numéro 9. À gauche. Ok. Dominique, vous avez pris du Staltor pendant une bonne dizaine d'années, c'est ça ? Oui, pendant une bonne dizaine d'années, oui, oui. Est-ce que vous vous rappelez pour quelles raisons est-ce qu'on vous a prescrit ce médicament ? Pour des douleurs dans le bras. Mon bras était paralysé jusqu'au coude. Et là, j'ai subi l'arthroscopie après. C'est-à-dire qu'on vous a gratté ? On m'a gratté, oui, on m'a gratté l'os de l'épaule. Et maintenant, il est quand même très usé. Et je ne peux presque plus m'en servir de ce bras-là. Mais on vous a prescrit du Staltor pour des douleurs ? Pour des douleurs, oui. On ne vous l'a pas prescrit pour des histoires cardiovasculaires ? Ah non. Non ? Non, c'était pour des douleurs. Et après, c'est le genou. Voilà, et là, j'ai été opérée du genou. J'ai une prothèse complète. Elle a toujours mal, hein ? J'ai toujours mal. Elle a toujours des... Il y a 3 jours, je ne pouvais pas marcher. Et ça ? C'est le Staltor. C'est un effet secondaire du Staltor, du médicament. Voilà. Oui, exactement. Qui contient des statines. Ouais. Ouais. Ouais. Qui a fait le lien entre vos douleurs et le médicament ? C'est Madame Visioz, là, puisqu'elle m'a fait le certificat. Voilà, docteur Pascal Visioz, je sous-signe et certifie que Dominique Monrognon a pris un traitement pour le Staltor, 1 gramme par jour. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on vous a fourni du Staltor. Normalement, c'est un médicament qu'on donne quand il y a un risque d'infarctus à cause d'un taux de cholestérol élevé. J'avais pas tout ça. J'ai rien eu, hein. On n'a plus tellement confiance. Hein. Vous avez quel âge ? Moi, 85. Je vais avoir au mois de mai. Oui. Et moi, je suis dans ma 88e année. Est-ce que vous reprenez des médicaments qui contiennent des statines ? Du Crestor ? Crestor, oui. Crestor, oui. Crestor. Ah, vous prenez du Crestor ? Ah, oui, tous les deux. Alors qu'on n'en a pas besoin. Hein. On n'a pas besoin, on n'a rien besoin de tout ça. Mais le docteur part du principe que si on n'a rien, c'est que le cholestérol. On risque d'avoir du cholestérol, de la tension. Mais vous n'avez pas de cholestérol ni de tension. Non, pas de tension. Ah, c'est l'ordonnance. Ça, c'est une ordonnance. Crestor, 5 mg. Voilà, c'est Dominique, voilà. Et le Crestor, vous le prenez depuis combien de temps? Ouh, là, ça y est, là, il y a longtemps. Hein. Voilà, c'est le même. Et moi, je prends du 10 et ma femme du 5. Mais c'est de la folie. Pour avoir de la tension, il faut vraiment qu'on boive, qu'on mange peut-être beaucoup trop. Mais nous, moi, je fais à manger tous les jours. Hein. Vous mangez pas McDo? Ah, deux. Vous mangez pas McDo? Non. On mange bien. Le docteur d'Espagne m'a dit, tout ça, c'est les laboratoires qui se sucrent, qu'il m'a dit. Laboratoires pharmaceutiques. Oui. Vous rendez compte? On voudrait essayer de s'arrêter un mois, voir ce que ça donne. Ben moi, je l'ai fait déjà. Un mois ou deux. Moi, j'ai fait un mois, je gagne de pire. Surprends-moi, il faudrait le faire. Oui, il faudrait faire 3 mois. Ouais. On part en vacances, ils nous donnent les médicaments pour 6 mois. Vous rendez compte? Oui. Ah oui. On part plusieurs mois, alors ils nous donnent pour 6 mois. Mais... Oui. Vitamine D. Oui. Et ça fait des années, elle ne sait plus exactement combien, au moins 20 ans, que Dominique a déposé son dossier à l'AVAM, l'association d'aide aux victimes des accidents, des médicaments. Comme beaucoup d'autres malades, elle attend une réponse du laboratoire Bayer. On va écouter les explications de Georges-Alexandre Imbert, le président d'AVAM. Des dossiers pleins la cave, vous en avez comme ça Ah ben c'est des conteneurs. Hein. Ah, des conteneurs. J'ai des conteneurs, oui. Pour vos dossiers, sur les statines? Bien sûr, oui, c'est des conteneurs. Vous vous rendez compte, 5000 dossiers. Alors là, c'est un dossier assez lourd. C'est un monsieur qui habite à côté de Bordeaux. Et qu'est-ce qu'il a eu, ce monsieur? Ah ben il a fait un infarctus, un deuxième infarctus. Suite à la prise. Elisor et Taher. Deux infarctus. Oui, il y a des dossiers qui ont été quand même étudiés par des neurologues. Et qui disent, un tel a fait un infarctus à cause des statines. Voilà. Est-ce que, d'après les dossiers que vous avez, les effets secondaires des médicaments actuels sont les mêmes que les effets secondaires des médicaments Bayer, qui ont été, eux, retirés du marché? Alors, les effets secondaires sont exactement les mêmes que ceux de chez Bayer. Moi, j'appelle ça le médicament bouffe-tout. C'est exactement la même composition. Peut-être que les produits sont un petit peu moins actifs, disons. Donc, les victimes de chez Bayer sont remplacées par les victimes de chez Merck ou de chez des autres laboratoires pharmaceutiques. Ça continue. Et les laboratoires ne risquent pas grand-chose puisque Bayer n'a jamais été condamné. En France, on peut tuer 2-3 000 personnes. Ce n'est pas un crime d'empoisonnement. Aux États-Unis, ils ont dépensé plusieurs milliards pour indemniser les victimes. Mais en France, non, les victimes n'ont rien perçu. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et puis voilà. Dominique Dupagne, je vous ai vu beaucoup réagir à la fois en entendant le témoignage de cette personne qu'Annel Verzo a rencontrée et puis en entendant ce monsieur sur les laboratoires. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, ce que vous venez d'entendre? C'est un peu confus, je vous cache pas que c'est un peu confus. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Il y a, on a dit qu'à le choc des statines, on passe directement au danger. Il faudra comme dire en fait que le choc, ça a été l'efficacité des statines. Hein. Ouais. Bon, je suis pas là pour défendre les statines. Non, mais on va parler après, bien sûr. Bon, il y a des effets secondaires avec les statines, des effets secondaires musculaires, qui sont pas si rares que ça, des douleurs, et à forte dose, ça peut être pire, ça peut provoquer une nécrose des muscles, ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Grosso modo, ça vous bousille le muscle. C'est arrivé qu'un médicament qui s'appelait le Staltor, qui a été retiré du marché en 2001 parce qu'il provoquait 20 fois plus d'accidents que les autres, semble-t-il tout simplement parce qu'il était plus puissant, mieux absorbé, et comme c'est un peu lié à la dose, les gens étaient surdosés en statines et faisaient plus d'accidents. Les statines ne sont pas des médicaments anodins, ce sont des médicaments avec des effets secondaires essentiellement musculaires, mais parfois neurologiques aussi. Bon. Mais si on veut reprendre la chronologie de notre histoire, je vous dis, le choc des statines, c'est on sort des fibrates qui ne servent à rien, d'accord, et d'un seul coup sortent des études sur les statines qui montrent pour la première fois, comme vous l'avez dit, une diminution des accidents cardiovasculaires, aussi bien chez des gens qui avaient déjà fait un infarctus que chez des gens qui n'en avaient pas fait, qui étaient censés avoir juste un taux de cholestérol élevé. Et d'un seul coup, tous les sceptiques dont était Oliver, dont j'étais, dont d'autres, se disent « bon, bah, on s'est trompé, on se dit « il y a un problème ». Alors, il y a quand même un problème intellectuel. Comment est-ce qu'en faisant baisser un truc qui n'est pas un facteur de risque pour l'infarctus, on arrive à diminuer l'infarctus ? Il y a quand même un truc un peu bizarre quand même dans cette histoire. Mais, c'est confus, comme vous mais dites. Mais on a des études, bon, ouais. qui ont l'air quand même relativement solides et qui montrent un effet. Alors, en même temps, c'est pas grand-chose, hein. 30% de diminution du risque d'infarctus, c'est moins que le régime méditerranéen et c'est moins que le fait d'être français. Parce que le fait d'être français par rapport à un écossais, c'est 400% de diminution du risque d'infarctus. Et c'est pas génétique. Ça veut dire que le mode de vie français diminue le risque d'infarctus de 400% par rapport à un écossais et de 600% par rapport à un estonien ou un finlandais. Donc, si vous voulez, ok, mais en même temps, c'était palpable. On peut pas non plus être de mauvaise foi en dire c'est rien, ça ne sert à rien. Et puis, c'est là qu'il y a eu des trucs bizarres. D'abord, ça marchait aussi bien chez les gens qui n'avaient pas de cholestérol dans le sang de façon significative que chez eux qui en avaient beaucoup. Même effet. Statine. Statine. Mmh. Les statines marchaient aussi bien chez les gens qui avaient un taux de cholestérol bas que chez les gens qui avaient un taux de cholestérol haut. Je parle des gens qui avaient déjà fait un accident cardiovasculaire. Et pire, ça diminuait à des risques de maladies comme l'accident cardiovasculaire cérébral, pardon, qui n'était pas considéré comme lié au cholestérol, même par les tenants de l'hypothèse lipidique. Donc, il y a un truc extrêmement bizarre. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte d'un truc assez dingue quand même, c'est qu'en fait, les statines diminuaient légèrement le risque cardiovasculaire, mais pas en faisant baisser le cholestérol. C'est ça qui est complètement fou. Et on a des études récentes qui le prouvent. Ouais. Il y a des études où on a pris des gens qui n'avaient pas un cholestérol élevé, qui ne justifiaient pas un traitement cholestérol, mais qui fumaient ou qui avaient de l'hypertension. On leur a donné des statines et ils baissent leur risque cardiovasculaire dans les mêmes proportions. Alors, c'est dingue quand même. C'est intéressant parce qu'on n'est pas dans le tout noir ou tout blanc. Hein. Non. Ça veut dire que des statines, on peut en donner, mais... est-ce que tout l'art est de bien doser ce qu'on donne ou pas, ou est-ce qu'il faut pas en donner? J'ai dit que fais partie des gens qui sont pourtant qui contestent la valeur prédictive du cholestérol en tant que produit de facteur de risque cardiovasculaire, mais qui considère que toutes les études sont pas bidonnées et qu'en effet on a montré que soit chez les gens qui ont déjà fait un infarctus, soit des gens qui sont à risque, il y a un effet léger, mais protecteur du cœur par les statines. Alors maintenant, est-ce que cet effet protecteur léger, chez des gens qui sont à risque cardiovasculaire global ou qui ont déjà fait un infarctus, est-ce que ce bénéfice vaut le coup par rapport au risque? Oui. Alors, j'entends parler de 3000 morts avec le colstat, faut pas exagérer non plus, si vous voulez, faut garder la tête froide. On a des accidents, moi, genre dans ma clientèle, j'ai constaté une personne qui a fait une neuropathie avec les statines, plusieurs qui ont dû arrêter parce qu'ils avaient des douleurs musculaires, on sait que les sportifs de haut niveau, vous leur donnez des statines, leur performance baisse, enfin, il y a un truc, il y a un problème musculaire. Dans 90% des cas, ça se passe bien, c'est-à-dire que les gens supportent bien leurs médicaments. Mais, dans d'autres cas, on vient de démontrer, par exemple, récemment, que ça augmentait le risque de diabète, on vient de démontrer que ça donnait des problèmes musculaires. Donc, ce n'est pas un médicament anodin. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre un médicament qui diminue légèrement le risque cardiovasculaire alors qu'on a bien meilleur compte à changer son mode de vie, à faire du sport, à faire de l'exercice, à manger équilibré et surtout méditerranéen, ce qui est bien plus puissant. Bon, bah vous avez répondu à une question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que la meilleure façon de lutter contre le risque cardiovasculaire, c'est tout ça. C'est d'être français et de bouger ses fesses, voilà. Français, bouger ses fesses. Alors, la grande distribution porte une responsabilité aussi dans l'idée qu'on peut se faire du cholestérol dangereux, pas dangereux, en vendant des produits anti-cholestérol. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, j'imagine que c'est... Quand même, il y a un truc dingue, parce que je suis en train de vous expliquer une réalité scientifique. Ouais. Votre journaliste a fait les mêmes constats, c'est-à-dire que le cholestérol n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire, et vous avez 95% de la profession médicale qui se préoccupe du cholestérol et qui prescrit son dosage. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit, écoute Dominique, ça a l'air crédible ton truc, mais comment tu peux avoir raison contre tous les cardiologues et contre tous les... Et en fait, c'est pour des raisons extrêmement simples. D'abord, énormément d'argent derrière, une pression terrible. Bah oui. Et le type qui critique la théorie du cholestérol, il n'est pas invité dans les congrès financés par les labos. Bah oui. Deuxièmement, la peur. Moi, je suis médecin. Quand je dis à mes patients, votre cholestérol, je m'en fiche. S'il fait un infarctus, et que derrière, le cardiologue dit, ah bon, votre médecin se préoccupe pas du cholestérol, mon patient va revenir vers moi, et puis il va me demander des comptes. Mmh. Alors que si je donne des statines à tout le monde, personne m'embête. Et s'il y a un accident sous statine, on dira, ah bah, il a fait ce qu'il a pu, le docteur, mais bah oui. C'est normal, il a suivi les instructions. Et donc, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi une théorie aussi folle continue à perdurer. Bien, en tout cas, merci infiniment Dominique Dupagne. On vous retrouve sur l'antenne de France Inter jeudi, c'est ça hein? Jeudi. Chez Mathieu Villard, c'est tous les jeudis, à 3h moins 5. À peu près. À peu près. Merci, à bientôt.